Alors bonsoir à tous. Je vais vous présenter le Café Jaune en général. Alors, le Café Jaune consiste à donner quelques clés de lecture sur les enjeux contemporains par le prisme des thématiques spatiales et territoriales. L'idée, c'est une discussion ouverte avec vous, après une introduction des enjeux que feront nos intervenants de ce soir. Avant de laisser la parole à Ludovic, je vais présenter les trois associations qui organisent les Cafés Jaunes. Donc, à l'Université populaire de Tours, qui fête cette année ses 10 ans. C'est une association d'éducation populaire dont l'objectif est la co-construction et la diffusion du savoir au public le plus large. Ensuite, on a l'association des doctorants de sciences humaines et sociales qui réunit les étudiants en thèse de sociologie, géographie, aménagement et bien d'autres. Et ensuite, l'association de Confluence qui anime la vie sociale et culturelle des étudiants en géographie. Alors nous avons le plaisir d'organiser ce soir le dernier café géographique de cette saison. Nous vous remercions tous d'avoir été fidèles à chacun de nos rendez-vous et toujours nombreux. Alors le thème de ce soir porte sur les patrimoines alimentaires dans la mondialisation. Alors selon un célèbre sociologue Marcel Mauss, l'alimentation fait partie de ce qu'on appelle un fait social global qui implique des pratiques multiples et complexes qui en disent souvent beaucoup sur l'évolution de nos sociétés. La question de nos pratiques alimentaires est souvent dans nos esprits ancrée dans un territoire, associée à des terroirs, à des paysages singuliers, mais elle est également inséparable de la question des échanges marchands, de la circulation, des idées, du métissage des cultures. Partant de là, la mondialisation pose des questions de fond quant à l'évolution de nos pratiques alimentaires. Quels sont les enjeux en termes de standardisation des goûts, d'uniformisation des habitudes alimentaires? Quelles sont les réactions des sociétés sur ces enjeux, notamment en termes de préservation, de patrimonialisation, avec le risque latent d'une mise sous cloche de ces patrimoines? Donc, ce sont là quelques pistes de réflexion que nos invités vont nous permettre de décupler. Donc, nous remercions très chaleureusement nos deux invités de ce soir, qui sont Isabelle Bianchi, professeure des universités, anthropologue, dont les recherches sur l'alimentation l'ont menée à l'Alsace jusqu'à la Mongolie. Elle a aussi travaillé sur l'instrumentalisation de la tradition. Nicolas Radugé, doctorant en histoire, dont la recherche porte sur le patrimoine alimentaire en Indre-et-Loire. Ils appartiennent tous les deux à l'Université de Tours et vous êtes membres du même laboratoire, le LEA, équipe d'alimentation. Je vais commencer, donc bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier l'équipe des Cafés Géo pour leur invitation et pour leur accueil, et puis vous, le public présent, ce qui témoigne d'un intérêt pour la cuisine et pas seulement à des fins de dégustation, même si cette étape est importante. Alors comme l'ont rappelé Sandra et Ludovic, c'est un doctorant en histoire qui se présente devant vous ce soir, ce qui peut éventuellement vous interpeller, parce que les thématiques présentées dans le programme, cuisine, mondialisation, patrimoine, peuvent sembler très actuelles. Les médias contribuent pleinement d'ailleurs à donner cette impression, puisqu'il ne se passe pas 5 minutes sans qu'en écoutant la radio, en regardant la télévision, en ouvrant un journal, on tombe sur une rubrique ou sur une émission consacrée à l'alimentation. Donc, l'indigestion n'est jamais très très, très loin, surtout quand on travaille sur le sujet, petite parenthèse en passant. La recherche, justement, c'est également en parler de ces questions, et en Touraine, elle est symbolisée par l'IEHCA, donc Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, très actif pour ce qui est d'organiser des congrès et des conférences, ou encore par l'équipe alimentation. L'équipe alimentation de l'Université François Rabelais, à laquelle je suis rattaché pour ma thèse, et Isabelle en tant que prof. Donc, mon sujet s'intéresse à la valorisation du patrimoine alimentaire de la Touraine de la fin du 19e siècle à la fin du 20e siècle. Autrement dit, je n'entends pas être un spécialiste des produits en eux-mêmes, mais je m'intéresse surtout à la manière dont on en fait la promotion, en observant les acteurs politiques, économiques, et bien sûr les producteurs eux-mêmes, qui mettent en scène les spécialités locales dans différents contextes, foires, tourisme, etc. Alors mon rôle ce soir va surtout être de rappeler que ces questions de patrimonialisation et d'inventaire ne datent pas de 2015, mais se posent parfois sous d'autres termes depuis plusieurs décennies, voire plus d'un siècle, pour ce qui est en tout cas de mettre en valeur la cuisine et les produits locaux. Mais je vais aussi essayer de faire le lien avec l'actualité en France, et je laisserai Isabelle Bianchi prendre un tout autre exemple extérieur. Alors pour commencer, je ne vais pas vous faire un cours sur le patrimoine, c'est pas le but, mais simplement pour contextualiser la discussion d'aujourd'hui, on peut dire que ce grand mot s'est popularisé depuis 1980, à peu près, qui avait été désigné année du patrimoine par le gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. Et en revanche, l'idée même de patrimoine, en fait, selon les chercheurs qui ont travaillé sur cette notion avant moi, a véritablement commencé à se développer au tournant de la Révolution française. Donc c'est un objet d'étude qui est très contemporain, au sens historique comme au sens courant. Alors si on ouvre le Larousse, tout bêtement, par patrimoine, on entend surtout un héritage commun d'une collectivité, d'un groupe humain, et les spécialistes comme Jean-Pierre Bablon et André Chastel vont jusqu'à dire qu'il inclut tous les trésors du passé, avec toute la largeur de vue que ça induit. Et puis, au concept même de patrimoine, hein, vont s'ajouter les corollaires de transmission et de sauvegarde, car il ne s'agit pas seulement de recevoir l'héritage, il faut ensuite essayer de le préserver et puis de le partager. Alors ce patrimoine qui au départ était surtout lié aux monuments, puis aux paysages naturels, a élargi ses compétences à l'heure de la patrimonialisation générale, entamée à partir des années 1970, avec notamment la Convention de protection du patrimoine adoptée par l'UNESCO en 1972. Donc, dès lors, hein, je passe très vite, les champs du patrimoine se sont progressivement élargis au point de prendre en compte aujourd'hui le vivant et l'immatériel. Alors cette évolution a eu pour conséquence l'intégration dans une démarche patrimoniale d'éléments variés, et c'est pourquoi on se retrouve ce soir à discuter de la cuisine comme d'un patrimoine. Donc le terme est devenu un peu fourre-tout, il faut le dire. Cela dit, ce n'est pas parce que la notion de patrimoine alimentaire est assez récente qu'on ne s'emploie pas depuis la fin du 19e siècle à sauvegarder et à valoriser certaines spécificités alimentaires locales. Donc l'idée peut être là sans le terme. En fait. On peut même trouver assez rarement toutefois le terme au tout début du XXe siècle, dans certains ouvrages. Donc on a patrimoine culinaire et patrimoine gastronomique, par exemple, qui sont employés par Edmond Richardin dans l'édition de 1913 de L'art du bien manger. Donc, dès 1913, on peut trouver ces termes-là. Donc cette question d'un processus patrimonial apparaît en filigrane tout au long de l'époque contemporaine, et sans rentrer dans les détails, hein, le phénomène semble s'accentuer au moins à deux reprises. D'une part, au moment du réveil des provinces, à la fin du XIXe siècle, mettant en avant les particularismes locaux, puis, en fait, dans l'entre-deux-guerres, période où les merveilles culinaires, je cite, hein, compilées par Kurmonski et Marcel Rouff dans leur collection La France gastronomique, luisent déjà comme des richesses à sauvegarder. Alors, c'est évidemment pas uniquement dans un but culturel, mais aussi pour le développement de toute une économie, notamment touristique. Alors, quant à la démarche de l'inventaire, rappelée dans le programme, elle est effectivement assez récente. Alors plutôt que de dire que la cuisine française entame son droit d'inventaire, on peut néanmoins dire qu'elle le poursuit. On peut plutôt dire qu'elle le poursuit. Puisqu'en effet, si la région centre a été la dernière région métropolitaine en France à sortir son inventaire du patrimoine culinaire en 2012, juste après l'Auvergne et avant la Réunion, l'opération à l'échelle nationale avait été entamée dans les années 1990, au moment où Jack Lang était au ministère de la Culture. Et c'est ce qu'on appelle le CNAC, le Conseil National des Arts Culinaires, qui s'en était chargé avant de disparaître dans un climat assez trouble, avec de gros soucis de gestion. Et c'est l'IEHCA en fait qui, en partenariat avec la région, a façonné le volume qui est consacré aux 6 départements de la région centre. Donc là encore, c'est pas parce qu'on est dans une démarche assez actuelle qu'elle n'a pas des antécédents historiques. On peut citer par exemple le Trésor gastronomique de France, répertoire complet des spécialités gourmandes des 32 provinces, achevé en 1929 et publié en 1933. Donc en fait, ce travail de recensement initié par Kurmanski et le comte Austin de Crouse, il entendait rendre service à l'époque à différents ministères, aux organismes touristiques, aux chambres de commerce et autres groupements corporatifs, gastronomes et touristes, en un mot à tous ceux qui sont, je cite, « intéressés aux choses de la table ». Donc la Touraine bénéficiait dans l'ouvrage d'une présentation générale, hein, comme toutes les régions, comme tous les départements, et on listait aussi ses produits naturels, la carte du menu Tourangeau et une énumération de spécialités par commune. Donc l'idée d'un inventaire n'a pas tout à fait raison. Mais qu'est-ce que le patrimoine alimentaire, me direz-vous, puisqu'on en parle depuis, depuis 5 minutes. C'est une vaste question. Alors les historiens ne se sont pas encore trop risqués à le définir, mais les sociologues Jacinthe Bessière et Laurence Thibert s'y sont collés dans un numéro d'Anthropologie of Food en 2011. C'est disponible sur Internet. Donc elles le définissent comme l'ensemble des, je cite, « éléments matériels et immatériels constituant les cultures alimentaires et définis par la collectivité comme un héritage partagé. Concrètement, il se compose de l'ensemble des produits agricoles, bruts et transformés, des savoirs et savoir-faire mobilisés pour les produire, ainsi que les techniques et objets culinaires liés à leur transformation. Enfin, ce patrimoine comprend également les savoirs et pratiques liés à la consommation, manière de table, forme de sociabilité, symbolique des aliments, objet de la table, et à la distribution alimentaire, marché de gros, vente à la ferme. » Vous voyez que tout ce qui peut être regroupé sous l'appellation patrimoine trouve beaucoup de choses. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse parler en tout cas d'une mise sous cloche, comme l'indique le programme, comme suggère le risque du programme, puisque ce patrimoine en fait est un patrimoine vivant. Il subit les influences de l'époque, il évolue. Donc il faut sortir de cette idée qui consiste à penser que dès qu'on dit que quelque chose est du patrimoine, ça reste figé. Moi, par exemple, pour parler de ma petite expérience, quand j'ai pris en compte le patrimoine alimentaire Tourangeau dans ma thèse, je ne suis pas parti d'une liste prédéfinie de produits en me disant « ça c'est du patrimoine, ça s'en est pas, donc je le mets à la poubelle, etc. » J'ai juste constaté en fonction des archives que j'ai eues à ma disposition qu'à une époque, on avait tendance à beaucoup parler d'un produit, et donc je l'ai inclus dans mon champ d'étude à partir du moment où il y avait une démarche de sauvegarde ou de valorisation du produit en question. Donc tout ça peut varier au fil du temps. Hein. Vous avez des produits qui disparaissent pour éventuellement réapparaître ensuite, etc. Donc je voudrais aussi, pour revenir sur l'inscription en fait, du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2010, qui a peut-être en partie motivé cette soirée. En effet, il y a eu une sorte en fait, de confusion autour de cette inscription sur laquelle on doit s'arrêter 5 minutes pour mieux en discuter entre nous, éventuellement ensuite. Donc, on lit souvent que l'inscription elle concerne la gastronomie française. Et le programme de ce Café Géo reprend d'ailleurs cette idée hein, en disant que la cuisine française est auréolée de son inscription au patrimoine mondial. Alors, dans les termes, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est le repas gastronomique des Français qui a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est-à-dire la pratique sociale du repas. C'est le fait, en fait de manger ensemble, aussi à l'occasion de fêtes ou de retrouvailles en famille ou entre amis. Ce ne sont pas nécessairement les bons produits ni la haute cuisine des chefs qui sont reconnus par l'UNESCO, même s'ils peuvent être évidemment une composante de ce repas qui est plutôt orientée vers le bien manger et le bien boire. Francis Chevrier, en fait au début d'un documentaire que j'ai pu voir hier en avant-première parce qu'il était diffusé à l'université, il résume assez bien ça en évoquant le banquet final dans les albums d'Astérix. En fait. Les héros se retrouvent entre eux au village et puis ils ripaillent joyeusement. Donc si on regarde la définition de ce repas sur le site de l'UNESCO, le choix attentif des mets, l'achat de bons produits, de préférence locaux, le mariage entre mets et vins figure parmi ses composantes importantes. Il doit commencer par un apéritif et se terminer par un digestif, avec entre les deux au moins 4 plats, entrée, poisson ou viande avec des légumes, fromage, dessert. Mais en fait, derrière ces codes se cache surtout la volonté de renforcer les liens sociaux, de consacrer une pratique culturelle et certaines habitudes alimentaires propres à la France. Et en fait, le sujet, c'est pas de dire que la gastronomie est la meilleure du monde. la gastronomie française, en tout cas la meilleure du monde. Donc ça devient un service public que de le préciser, au point qu'hier soir, j'ai assisté, donc, comme je disais, à la diversité, et peut-être que certains y étaient par hasard, à l'avant-première d'un documentaire qui s'intitule « À table ». Et en fait, il revient sur cette idée du repas gastronomique des Français et sur ce qui fonde le rapport particulier des Français à leur alimentation. Alors son intérêt est de justifier socialement et culturellement ce classement sans évoquer tous les aspects économiques et politiques qu'il y a derrière. Il sera diffusé, pour ceux que ça intéresse, sortez vos agendas, dans la journée du 11 avril sur France 3 Centre et le 13 avril sur France 3 National, en troisième partie de soirée. Il faut veiller tard, avant d'autres rediffusions qui n'ont pas été précisées. Donc voilà pour le programme télé, hein, dans un instant, la météo de Laurent Romeshko et la suite de ce café Géant. Bon, plus sérieusement, on a aussi eu une journée d'études tout récemment à l'université sur cette question. Et c'est vrai qu'il y a eu une confusion, entretenue plus ou moins volontairement d'ailleurs, qui a pu faire le jeu de l'industrie. On va parler aussi. Donc je m'explique en essayant de vous donner les grandes lignes du déroulement des opérations. En fait, l'objectif de départ de Francis Chevrier et de l'IUHCA, puisque, rappelons-le, l'idée est née à Tours en novembre 2006, était de prendre en compte la cuisine comme élément culturel. Et donc, au départ, hein, selon Francis Chevrier lui-même, l'accueil au ministère de la Culture a été plutôt distant, hein, voire froid. Il a cité plusieurs fois un haut responsable, sans le nommer, qui lui a dit, enfin, la cuisine, la culture, c'est ce qui élève l'âme, c'est l'opéra et les cathédrales. Donc, fermez les guillemets. Donc, vous voyez que ce n'était pas gagné d'avance. Donc, ayant du mal à convaincre le ministère de la Culture et celui de l'Agriculture, qui étaient les deux plus concernés, il a décidé de taper plus haut, c'est-à-dire directement à la porte du cabinet du président de la République. Et donc, après plusieurs réunions consacrées à la faisabilité technique du projet, l'annonce officielle a été faite au Salon de l'Agriculture de 2008. Donc, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui s'en est chargé, en inaugurant l'événement le 23 février. Or, sa déclaration à l'époque, annonçant que la gastronomie française faisait acte de candidature parce qu'elle était, je cite, « la meilleure du monde, enfin de notre point de vue », a plongé dans l'embarras, pour être poli, les porteurs du projet. Ce n'était pas une question en fait, de hiérarchie, ni un concours de beauté, et l'UNESCO en fait un peu tiqué hein, en entendant ça. Cette maladresse du président, même si l'histoire ce jour-là a davantage retenu le casse-toi pauvre con lancé à un visiteur, elle a eu des conséquences sur la suite, et on va pouvoir le voir. Donc, dans la foulée de cette annonce, en fait, un comité de soutien, une mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, une structure ad hoc, hein, a été mise en place, l'IUHCA étant un organisme à vocation culturelle et scientifique qui n'a pas nécessairement vocation à se mêler de la portée politique du projet. Donc le soutien des grands chefs, figures médiatiques importantes, a été sollicité, ainsi que certains critiques gastronomiques célèbres et d'autres personnalités, universitaires, représentants de l'agriculture, des métiers de l'hôtellerie, de l'Institut du goût, de slow food, etc. Bah, le problème étant que tout ça a vite été résumé comme une valorisation de la haute cuisine, les journalistes préférant interviewer ou inviter les chefs sur leur plateau de télé, bons clients plutôt que des chercheurs de l'université, hein, comme mon directeur de thèse, que je salue s'il écoute un jour le podcast. Donc hors des chefs comme Guy Savoie, par exemple, se sont empressés de rendre hommage à une gastronomie française en insistant sur une certaine supériorité par rapport aux autres. Donc on voit donc que ça n'a pas été simple de faire comprendre la démarche. Cela dit, le fait que Nicolas Sarkozy s'empare du dossier, même si sa déclaration n'était pas forcément très heureuse, a permis de faire taire, d'une part, les sceptiques du ministère de la Culture, avec l'idée sommaire que le chef l'a dit, donc on suit le mouvement. Je brosse à gros traits l'histoire, hein, j'étais pas non plus dans leur bureau. De même, les allusions diverses à une supériorité française ont elles aussi permis de rectifier le tir et de mieux définir ce qu'était la gastronomie, puisque, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs interprétations possibles. Le terme étymologiquement renvoie à l'estomac, gaster, et à ses règles, nomos. Donc c'est donc un discours, en fait, sur le bien manger. Or, gastronomie devient souvent, dans le langage courant, un synonyme de cuisine d'excellence, d'alimentation 3 étoiles, etc. Donc entre 2007 et 2010, il y a eu une période de purification du projet, pour reprendre le terme de Jean-Louis Tornatore, qui est anthropologue, et qui fait qu'on est passé dans l'intitulé de la candidature de la gastronomie française à ce qu'on a appelé le repas gastronomique des Français. Ce choix final du repas gastronomique des Français, création totalement nouvelle, doit être perçu comme un compromis entre la gastronomie, perçue comme un terme enfin, assez élitiste, et repas des Français, qui intègre le côté populaire et festif de l'alimentation. Alors, si ce compromis a permis l'inscription UNESCO, la confusion est restée présente et on continue aujourd'hui souvent de penser que c'est seulement la haute cuisine qui a été classée, alors que c'est une pratique sociale qu'on a voulu intégrer au patrimoine de l'humanité. Donc les titres de la presse au lendemain d'ailleurs de l'annonce du succès de la candidature française, je cite « La France fait don de sa gastronomie à l'humanité », « L'UNESCO toqué de gastronomie française », etc. Ainsi que les déclarations de différents élus ou ministres dans la période qui a suivi laissent à penser que la convention UNESCO a été plus ou moins instrumentalisée et qu'on est vite, on en est vite revenu à célébrer une excellence française. Alors cette confusion, elle fait aussi le jeu du marketing, de l'agro-industrie qui était absente du projet, parce que le but de l'UNESCO n'est pas d'encourager la publicité. Alors si on veut un arbre qui cache la forêt, hein, comme le dit le programme, c'est on va dire, le repas gastronomique des Français qui va cacher le marketing culinaire. Mais on observait déjà ça avant le classement, en fait. On verra si l'inscription UNESCO elle a amplifié le phénomène, mais c'est encore trop tôt pour le dire, surtout pour l'historien. En tout cas, une chose est sûre, tous ces termes de terroir, tradition, authentique, ils visent à rassurer le consommateur, ça c'est quelque chose d'assez évident, y compris celui des grandes surfaces, hein, qui sont envahies de produits à l'ancienne, de façon grand-mère, etc. Les industriels jouent sur ces notions pour vendre leur camelot, si je peux dire, hein, puisqu'en fait, on associe souvent le produit du terroir aux petits artisans et à une certaine qualité. Donc c'est là qu'on peut distinguer une mauvaise industrie, si je puis dire, qui s'adonne à un marketing sans scrupules, désolé pour le pléonasme, et une bonne industrie qui est comprise dans le patrimoine. En effet, c'est pas si simple en fait, d'opposer patrimoine et agro-industrie, puisque ceux qui ont façonné l'inventaire du patrimoine culinaire de la région centre ont pris le parti de ne pas inclure les produits industriels, par exemple. Mais ça, ça a créé un débat. Certains ont reproché l'absence des sirops monins, par exemple, ceux qui viennent de Bourges. C'est quand même quelque chose d'assez connu, même dans le monde entier. Cas inverse, par contre, les Pays de la Loire, à l'époque, pouvaient difficilement ne pas évoquer certains biscuits de la gamme Lu, et ils en ont intégré plusieurs dans leur inventaire. Donc on voit que selon les cas, le traitement de l'industrie n'a pas été le même. Donc il y a bien un patrimoine industriel qui est lié au bâtiment, hein, on peut bien étudier le patrimoine industriel, Non, je voulais dire qu'en fait, il y a bien un patrimoine industriel qu'on traite souvent à l'université qui est lié au bâtiment, donc on peut très bien avoir un patrimoine alimentaire industriel. C'est pas choquant. Donc, dans le cas du centre, on a sans doute considéré qu'on pouvait se passer d'inclure les produits industriels qui n'ont peut-être pas la même importance économique et culturelle que dans les environs de Nantes. Encore que Monin, comme je disais, est connu dans le monde entier, donc c'est à voir. On pourrait aussi discuter du caractère industriel de tout ce qui est apéritif, vin, digestif, pris en compte dans le repas gastronomique des Français. Lors de la conférence internationale d'histoire et de culture de l'alimentation, qui a eu lieu à Tours la semaine dernière, une intervenante, Sylvie Pellerin-Drillon, qui travaille sur le Calvados, a rappelé justement que c'était une entrée indirecte pour les boissons. Pour les boissons industrielles qui peuvent justement se revendiquer du patrimoine. Du coup. Donc, dernièrement, en 2014, a même été promulguée une loi d'avenir agricole intégrant les bières et boissons spiritueuses issues des traditions locales au patrimoine culturel et gastronomique de la France. Ainsi donc, on voit que certains produits bénéficiant de labels de qualité peuvent aussi se revendiquer de l'industrie sans que ce soit incompatible. Pour prendre un exemple local, celui des rillettes de Tours, donc, je vous cite un extrait de la demande de DGP, c'est-à-dire d'indications géographiques protégées. Donc, page 25, ils disent « À l'heure actuelle, les rillettes de Tours élaborées par des fabricants de type industriel le sont dans le respect de la recette traditionnelle. Ces derniers contribuent également au développement de la réputation du produit. » Donc en fait, on minimise un peu le côté industriel. Parfois, on va même mettre en avant dans certains interviews, magazines, on va dire « Ah, je connais un salaisonnier, etc. » pour éviter de dire un gros industriel de charcuterie. Mais on le mentionne quand même et ça devient un atout pour la valorisation. Donc si on prend le cas de Grand Valais, par exemple, qui fonctionne depuis 1965 et qui comprenait environ 50 salariés en 2013, l'entreprise elle est intégrée à la promotion locale et elle a même déjà gagné le concours des véritables rillettes de Tours organisé par la confrérie des rillettes et rayons de Touraine. Donc c'est certes pas un géant de l'agro-industrie, mais on voit qu'a priori la structure industrielle n'empêche pas une certaine qualité de produit, en tout cas pour certains jurys. Ça tord un peu le coup aux idées reçues. On adopte donc une posture un peu simpliste si on décide d'opposer catégoriquement l'industrie agroalimentaire et le patrimoine alimentaire. Les deux sont liés ou tout du moins cohabitent. Les grosses entreprises sont d'ailleurs les plus à même de faire connaître un produit en mettant des moyens au service de la publicité. Les petits producteurs ayant parfois plus de mal à le faire. C'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où si vous prenez les catalogues des foires de Tours à partir des années 20, la fameuse grande semaine de Tours, en général ce sont les grosses maisons locales qui font de la pub, c'est-à-dire les épiciers Miraux, les laiteries qui mettent en avant leur Saint-Maur ou leur camembert, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de camembert de Touraine. En fin de compte, le patrimoine en fait a une relation ambivalente avec l'industrie. D'un côté, il inclut des produits industriels, et de l'autre, il souffre des dérives d'industriels mal intentionnés. Alors après, c'est au consommateur regardant de se renseigner, de bien lire les étiquettes pour consommer ce qu'il souhaite sans tomber dans un piège du marketing, de privilégier le petit artisan à la grande surface ou au McDo s'il en a envie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça va peut-être vous surprendre d'ailleurs, mais le plus dangereux pour le patrimoine n'est sans doute pas le McDo, le Quick ou le Burger King, pour en citer plusieurs, qui sont assez transparents sur ce qu'ils proposent à leurs clients. On peut très bien être adepte du patrimoine et du fast-food dans le même temps. Le sociologue Jean-Pierre Corbeau rappelait hier que les gens sont de plus en plus zappeurs. Ils deviennent des mangeurs pluriels. Ils peuvent aller au McDo par plaisir tout en mangeant bio chez eux. Ça peut tout à fait se faire. Dans le documentaire d'hier, justement, on voyait un couple de deux personnes âgées, 70, voire même plutôt 80 ans, qui quittaient leur hospice pour aller manger au McDo. Et on avait le fun, je cite cette dame, qui est très swag pour son âge, était de manger avec les doigts et de sortir des règles un peu lourdes des repas habituels. Et d'ailleurs, le film d'hier rappelait cette utilisation du fast-food à la française. On y va, puisqu'on y va en général aux heures des repas, même si c'est ouvert toute la journée. On peut prendre son temps pour manger, ce qui est un peu contraire à l'objectif de base, etc. Donc, Jean-Pierre Corbeau, toujours lui, rappelait que les adolescents y mangent ensemble. D'ailleurs, ils y font une évaluation sensorielle et gustative, préférant tel burger ou telle sauce selon l'enseigne, etc. Donc, bon, de là à dire qu'un repas au McDo entre amis symbolise le repas gastronomique des Français, il y a un pas que je ne franchirai pas. Mais on peut retrouver cette espèce de poétique de la table, comme il disait, dans un fast-food, ce n'est pas nécessairement incompatible. En revanche, la malbouffe la plus dangereuse pour le patrimoine est sans aucun doute celle de certains restaurants, par exemple, qui vont monter des pièges à touristes en leur vendant de la spécialité locale, fraîche, alors que c'est un plat industriel de moindre qualité. Donc ça, c'est la tromperie, en fait, qui est le plus préjudiciable. Alors heureusement, on voit certaines règles qui essayent d'endiguer le phénomène, en imposant, par exemple, l'indication de fait maison sur les cartes, on en a parlé il n'y a pas longtemps, en dénonçant les dérives de certains restaurateurs dans des documentaires, etc. La fraude, de toute façon, a toujours été un problème, et elle en sera toujours un. Alors, une autre idée reçue pendant que j'y suis, c'est de croire qu'un produit local, en fait, il est entièrement fabriqué à partir de matières premières locales, en tout cas 100% locales. Ce n'est pas le cas dans le sens où le nombre de lieux déjà indiqués peut être purement commercial. Il y a un documentaire, il n'y a pas longtemps, là encore, qui revenait sur le marketing, et qui, pour le coup, dénonçait les mauvaises dérives de l'industrie. Il s'appelait « La tradition fait recette », il a été rediffusé sur Arte il n'y a pas longtemps. Et en fait, il met bien en évidence le caractère douteux de certaines herbes de Provence, par exemple, qui sont appelées ainsi, mais qui sont venues de l'étranger parce qu'on n'en produit pas assez en France. Il y avait aussi un exemple qui concerne la Touraine, avec l'utilisation du nom Sainte-Maure par l'agro-industriel Soignon pour désigner des bûches de fromage de chèvre. Donc l'entreprise, elle a clairement reconnu qu'elle jouait sur le nom du Sainte-Maure de Touraine, le nom entier étant protégé, pour inciter le consommateur à confondre les deux. Donc l'avantage dans ce cas-là, c'est que si vous connaissez un minimum le Sainte-Maure de Touraine, le Sainte-Maure AOP, cendré avec sa paille et son lait cru, il ne ressemble en rien à la bûche industrielle blanche de Soignon, mais disons que quelqu'un qui est hors de la Touraine, qui n'est pas habitué à voir ça sur un marché, il peut se tromper. Alors après, c'est moins grave, mais même les labels de qualité ne garantissent pas qu'un produit est 100% local. Donc, le cas de l'IGP, par exemple, j'en parlais pour l'indication géographique protégée, j'en parlais pour les rillettes, il est plus souple. Enfin, il est assez souple. Le produit doit avoir un lien local, c'est évident, mais il faut que la production et ou la transformation et ou l'élaboration aient lieu dans l'aire géographique délimitée. Pas nécessairement les trois à la fois. Les noms de produits non protégés peuvent encore être plus trompeurs, évidemment. Pour rester dans le local, le pruneau de Tours, par exemple, qui était renommé comme confiserie à la fin du 19e siècle, a longtemps été fabriqué dans ce dernier cas avec du pruneau de Touraine, produit dans le Veyron aux alentours de Chinon. Mais disons qu'aujourd'hui, comme l'a précisé d'ailleurs l'inventaire du patrimoine culinaire de la région centre, il est toujours appelé pruneau de Tours, mais ce sont des gros pruneaux d'Agen qui servent à sa préparation, parce qu'on n'en fabrique pas assez ici. Donc en fait, tout ce que je veux dire, il est de Tours que parce qu'il est vendu ici par un confiseur qui perpétue, comme il peut, une recette ancienne. Donc ici, qu'on soit bien d'accord, hein, si le nom peut paraître trompeur, le produit reste artisanal et de bonne qualité. Ça n'a rien à voir avec les produits industriels qui sont faussement estampillés, tradition, terroir, etc. Mais tout ça pour dire que même le patrimoine local, en fait, il n'est pas 100% local dans sa composition. On reste dans de la représentation. C'est-à-dire que ce produit, il est commercialisé ici, donc on le considère comme étant d'ici, même si les matières premières viennent d'ailleurs. Au passage, le pruneau de Tours, d'ailleurs, est un bon exemple de produit menacé, dans le sens où la Livre Tournois, qui est une confiserie qui en faisait sa spécialité, a fermé, et qu'il n'y a plus, à ma connaissance, que la chocolatière qui en fabrique aussi, en attendant un éventuel repreneur de la maison Poiron. Mais bon, il y en a peut-être d'autres, certains d'entre vous me le diront s'ils le savent, mais dans tous les cas, il n'y a plus grand monde. Donc, pour le coup, voilà une ancienne spécialité qui pourrait disparaître si personne ne s'y intéresse de nouveau. Quant au pruneau, fruits et non confiserie, un producteur de Poire-Tapé a repris le flambeau de la production à Rivarennes depuis quelques années, mais à ma connaissance, il est encore tout seul. Donc le patrimoine vivant, c'est aussi ça, en fait. Vous avez cette mise sous cloche n'empêche pas toujours la disparition ou l'extrême précarité du produit. Mais en tout cas, elle peut aider à ce que les citoyens se le réapproprient dans un élan de sauvegarde culturelle et ou d'ambition économique. Donc je dirais en conclusion, pour tenter d'amorcer une réponse à la question « Le patrimoine est-il la solution contre la malbouffe ?» sans y arriver, que ça peut aider, parce qu'il y a, tout un imaginaire qui associe le patrimoine à des produits de qualité, et que le classement du repas gastronomique des Français cherche à créer du lien social et un intérêt autour du bien manger. Après, le consommateur est libre de faire ce qu'il veut, en fonction déjà de l'hygiène de vie qu'il veut s'imposer, de son rapport à la nourriture, est-ce que c'est un simple besoin naturel ou un plaisir, de ses revenus aussi, enfin bref, il y a plein de paramètres à prendre en considération. Donc le patrimoine n'éradiquera pas la malbouffe, et le marketing mal intentionné, et la malbouffe ne devrait pas non plus éradiquer le patrimoine, sans ça on peut penser que ça aurait déjà été fait en fait. Parce qu'on stigmatise beaucoup la malbouffe d'aujourd'hui, et je ne suis pas certain que les poulets aux hormones dans les années 60-70 étaient meilleurs pour l'estomac. Donc c'est aussi ce sentiment de malbouffe qui a engendré des réactions de démarches, des démarches pour la relance des produits locaux, ou le développement de circuits courts par exemple. Et cette prise de conscience, elle date des crises économiques qui, dans les années 70, ont montré les limites de l'expansion et incité les gens à rechercher une consommation locale, de qualité, etc. Donc l'intérêt très actuel pour cette question, il a des similitudes avec les premières crises en fait. De même, l'émergence... toute cette invention des cuisines régionales, comme on lit souvent, puisqu'on parle bien d'une invention avec un regard extérieur, qui est, à l'époque, à la fin du 19e siècle, était souvent parisien et élitiste, pour aller vite, puisque si elle avait pour but cette invention de servir au tourisme et au développement économique, eh bien, elle s'accompagnait aussi d'un folklore local qui s'inquiétait, à l'époque, de voir disparaître certains produits, certaines coutumes, à l'heure où l'industrie commençait à se développer. Donc c'est pas quelque chose de très nouveau, il y avait cette peur que les spécificités disparaissent. Chaque époque a donc son contexte, mais finalement, on se rend compte qu'on retrouve des choses. En définitive, et contre toute attente, l'industrialisation et le risque de malbouffe, ils renforcent peut-être le patrimoine. L'anthropologue Jean-Louis Tornatore, dans son article qui revient sur le dossier du repas gastronomique des Français, écrivait en 2012, donc je le cite, « Les pratiques mémorielles et patrimoniales contemporaines peuvent être comprises comme des adaptations aux conditions modernes de l'existence dans un monde considéré comme globalisé, voire envisagé comme résultant de la globalisation. » Il explique aussi que la politique y trouve son compte, évidemment, dans le sens où Nicolas Sarkozy, en adhérant à l'époque à l'idée de la candidature UNESCO, il pouvait faire valoir la figure de l'État protecteur contre les effets négatifs de la mondialisation. Donc du coup, on peut en conclure que ce patrimoine, objet complexe et mouvant, qui est un espèce de terrain de jeu souvent instrumentalisé, c'est une réaction aussi face à la globalisation et d'un point de vue alimentaire, au risque de malbouffe qui peuvent en découler. Donc voilà, dans tous les cas, c'est un thème qui est toujours difficile à appréhender, car il y a une part affective très importante qui est liée à la cuisine, et puis tout le monde a généralement son avis sur la question, ce que la discussion de tout à l'heure mettra peut-être en évidence. Donc, merci de votre attention. Merci. Je ne veux pas déroger règles, si jamais je le fais mal, mais bon, oui, ah oui, ça c'est. Je ne vais pas lire votre texte. Mais je vais peut-être me mettre debout à un moment parce que j'ai besoin de. Alors. Voilà. Alors moi, je vais vous parler, après la France, d'un autre paysage. J'ai mis trop de choses sur mon ordinateur. Je ne sais pas comment on va se marcher. Un patrimoine local en mutation, l'alimentation végane en Mongolie. Donc un terrain que j'explore depuis un grand nombre d'années. Et voilà, donc je vais essayer de vous expliquer que on assiste aujourd'hui, enfin depuis maintenant quelques années quand même, en milieu urbain, à de véritables transformations alimentaires dans un pays qui a pour le coup une tradition de consommation qui est basée depuis longtemps, puisque vous le savez que les Mongols sont des nomades éleveurs, sont des éleveurs qui élèvent des vaches, des chèvres, des moutons, des chevaux, des chameaux, ceux qu'ils appellent les cinq museaux, les cinq espèces de bétail. Et donc une population traditionnellement qui pratique l'élevage et qui se nourrit exclusivement, presque exclusivement, de produits laitiers et de viande, c'est-à-dire de ce qui est issu du bétail. Donc laitage et viande, qui sont des produits hautement valorisés, autant sur un plan gustatif que sur un plan symbolique. Ce sont des produits qui sont gages de santé, gages de prospérité. Ils occupent une place absolument centrale dans les rituels, dans l'organisation du calendrier, dans les rapports sociaux, dans les hiérarchies de parenté, etc. Donc, la viande et les produits laitiers. Mais je dirais. Enfin, non, je le dirai plus tard. Alors, le passage d'une. La fin des années. Enfin, début des années 90, 90-92, donc le régime communiste disparaît, fait place à une économie de marché, et on va assister à un véritable bouleversement dans les structures sociales et économiques du pays. Un très grand exode rural, un exode rural très important, et donc une population qui devient majoritairement urbaine, ce qui va évidemment avoir un impact énorme sur les pratiques de consommation. Donc, des transformations qui sont liées au croisement de très nombreux facteurs. D'abord, la difficulté pour les urbains de se procurer des produits de la campagne, des problèmes économiques très importants qui ont été connus entre les années 1990 et 2000 surtout, et puis aussi une diversification des denrées disponibles, c'est-à-dire qu'on va voir des choses arriver qu'on n'avait jamais vues, la création et la multiplication de grands supermarchés qui va se développer. Et puis des modèles évidemment venus de l'étranger, des modèles de santé, mais aussi des modèles de pratiques de consommation, venus de l'étranger via les médias, la télévision, Internet. Il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est la résurgence de la religion, hein, qui avait quand même été mise sous manteau pendant toute la période communiste, qui a quand même duré 70 ans. Et voilà, donc tout ça va concourir à transformer les choses. Et à partir des années, je dirais 1995, de très nombreux restaurants étrangers, indiens, hollandais, coréens, chinois, allemands, français, vont fleurir un peu partout dans les villes. Enfin, dans les villes, il n'y a pas tant de villes que ça. Hein. Il y a la capitale, Ulaanbaatar, et puis une ou deux grandes autres villes. Et donc, des restaurants qui vont vraiment se multiplier. Et aujourd'hui, pour aborder l'axe de la rencontre entre les modèles local et global, j'ai choisi de prendre pour exemple les restaurants végétariens et les restaurants vegan, c'est-à-dire végétaliens, hein, dans lesquels on ne consomme aucun produit venant des animaux, c'est-à-dire ni œufs, ni laitage, rien du tout. Et ces restaurants sont apparus dans la capitale dans les années 2000. C'est assez récent. Alors, traditionnellement, il est de coutume d'affirmer que pour un Mongol, manger, c'est manger de la viande. C'est la même chose. Manger, c'est manger de la viande. Même si, en fait, les Mongols ne mangent pas tant de viande que ça, puisqu'ils préfèrent garder leurs animaux sur pied et manger plutôt les produits issus de l'élevage, hein, les laitages, les fromages, enfin, tous les produits laitiers. Mais n'empêche que manger, c'est manger de la viande. Alors, comment ont articulé finalement ce principe de base avec le développement d'une alimentation de type végétarienne, hein, ou même végétalienne, excluant tout produit animal, cette alimentation qui ne trouve aucune place dans le système traditionnel. Alors là, l'enquête ethnographique est intéressante parce qu'elle livre un certain nombre de témoignages que finalement on ne pourrait pas avoir avec des statistiques. Donc l'orientation de ce sujet que je vais développer, j'ai choisi de vous donner plusieurs points d'ancrage, hein, comme facteur d'analyse. Donc d'abord, ce que je viens de vous dire, une alimentation basée sur les produits de l'élevage, la viande et le lait, qui sont vraiment érigés en patrimoine culturel. Ça fait partie du patrimoine. Mais il faut qu'on prenne en compte aussi, quand on aborde ces questions, le problème du rapport au corps et le discours écologique qui le dépasse finalement. Je sais pas, ça intéresse les géographes, ça c'est que le corps, et puis l'espace plus loin, c'est vraiment l'espace est un prolongement du corps, et là on va le voir. Il faut prendre en compte la religion, le renouveau du bouddhisme, je vous le disais, et les relations entre une tradition locale et des modèles exogènes. Alors si manger indien ou si manger français, ça reste une exception dans pour un Mongol, en fait, se rendre dans un restaurant, parce que ça coûte cher, hein, manger indien ou aller manger français ou aller manger chinois, c'est vraiment une exception. Par contre, se rendre dans un restaurant vegan relève d'une démarche intellectuelle spécifique. Il ne s'agit pas ici de la curiosité à découvrir finalement un univers étranger. J'ai envie de voir ce que c'est qu'un la nourriture indienne ou allemande. Où l'objectif n'est pas de prouver sa réussite sociale ou son ouverture au monde éventuellement, mais pour moi en tous les cas, la manière dont je vois les choses, aller dans un restaurant vegan relève plutôt d'une pratique qui se construit sous la forme d'une fusion, d'un métissage, d'un compromis entre plusieurs modèles, sans que cela n'empiète sur la capacité à se sentir mongol. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais dans un restaurant mongol, étant mongol, que c'est pas parce que je vais dans un restaurant vegan que je vais être autre chose que mongol. Il ne faut pas que ça empiète sur ma capacité à me sentir mongol. Alors, de quelle manière se construit le discours sur la tradition et plus encore, sous quelle forme le patrimoine conserve-t-il encore une quelconque valeur? Ce sont ces questions donc, qui ont été à la base de cette recherche. Alors, quelles sont les sources sur lesquelles je me suis appuyée? Eh bien, sur un peu plus d'une centaine de restaurants identifiés dans la capitale mongole, mais c'était il y a 4 ans, donc il doit y en avoir beaucoup plus maintenant, une vingtaine de ces restaurants, donc c'était beaucoup, affichaient une orientation végane ou végétarienne. Sur une centaine de restaurants, une vingtaine affichaient une orientation végane ou végétarienne, et sur ces 20, il y en a 7 qui font partie d'une même chaîne. J'ai enquêté auprès de 5 restaurants et mené un peu plus d'une vingtaine d'entretiens auprès des consommateurs et des propriétaires. Et puis en même temps, j'ai fait une recherche sur les sites internet parce que dans le fond, tous ces restaurants qui sont présents sur la place de la capitale ont des sites internet. Ils affichent une présence sur la toile. Et leur site abrite non seulement leurs réseaux sociaux, mais aussi des menus, des informations sur leurs activités connexes, sur leur engagement dans la vie publique ou dans la vie religieuse, sur leurs assises aussi idéologiques, parce qu'ils sont souvent affiliés à des mouvements religieux très importants. Et puis, j'ai aussi utilisé des coupures de presse, voilà, je vous en ai mis une là sur la diapo qui est tirée du Christian Science Monitor paru en 2010 où il y avait un journaliste là qui avait écrit un article qui s'appelait le végétarisme trouve ses racines dans l'amour de la viande des Mongols. Ça, c'était l'intitulé. Le végétarisme trouve ses racines dans l'amour de la viande des Mongols. Et il écrivait, de plus en plus de Mongols deviennent végétariens, les légumes sont impopulaires dans cette culture, mais ils sont remplacés par des plats traditionnels à base de viande faits avec du soja. Les restaurateurs, la plupart mongols, appartiennent à des mouvements chrétiens ou bouddhistes. Il écrivait aussi, ici, on considère la viande seule la viande est considérée comme une nourriture. Mon père dit si je n'ai pas de viande, je n'ai pas mangé. Et si vous lui donnez des feuilles, il répond mais je ne suis pas une chèvre. Les Mongols, il continue son petit topo, il dit les Mongols ont des plats nationaux. Alors, ces plats nationaux, c'est quoi? C'est ça, oh pardon. Comment je retourne là, voilà. Ces plats nationaux, c'est quoi? Voilà, c'est ce qu'on appelle les boots. Ici, ce sont des raviolis de viande, un ravioli de viande qui est cuit à la vapeur. Autre plat national. Ah non, ça, ce sont des vegan boots. Autre plat national, les rouchours. Ce sont là encore, c'est de la viande dans de la pâte. Alors ça c'est pas du tout national par contre je vais revenir, non je vais peut-être aller dans le suivant parce que là on va voir quelque chose d'intéressant aussi. J'arrive pas parce que j'ai des problèmes de bon suivant. Ah, voilà. Oh, je suis désolée, c'est un petit souci technique. Pourquoi je n'y arrive pas à suivre. Ah, c'est mal parti. On va passer à la diapositive. Pourquoi il ne veut pas prendre la diapositive? Non, c'est pas bon. Justement, ça c'est bien. Je suis là. Ici? Ouais. Ah, voilà. Autre plat, le plat de le bœuf mongol. Là, on voit une casserole, mais où c'est fait avec du tofu. Hein, c'est pas du bœuf qui est dedans. Donc ça, ce sont les boots, les rouchours, le tsoivan. Bon, ce sont des plats nationaux. Et alors, le journaliste dit, Mais plus encore que la viande, ce dont les Mongols raffolent, ce sont les produits laitiers. Et il raconte qu'il a été voir la propriétaire d'un restaurant végétarien qui lui a expliqué qu'il faut absolument maintenant que les Mongols comprennent que dans la vie, il n'y a pas que les produits laitiers et qu'il faut qu'ils apprennent à manger autre chose. Et cette femme lui dit, le terme mongol, pour dire produits laitiers, et le terme mongol pour dire nourriture végétarienne est presque le même. On peut le traduire par nourriture blanche. Voilà. Alors cette dernière phrase, elle est intéressante parce qu'elle nous éclaire sur le sens symbolique qui est accordé aujourd'hui aux produits végétariens. On les appelle les plats blancs. Il renvoie directement aux produits, aux nourritures traditionnelles les plus valorisées que sont les produits laitiers. Il y avait la viande, mais il y a les produits laitiers. Donc la viande, on ne lui a pas donné d'équivalent. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, de plus important dans la hiérarchie traditionnelle, dans la hiérarchie de l'alimentation traditionnellement, c'est le blanc. Donc voilà, aliment blanc, tsaganidé, plat végétarien, tsaganrol, tous les deux, ce sont des produits blancs. Bon, ça c'était en préambule hein, pour vous expliquer un petit peu le contexte. J'aimerais bien aller à la suite, mais j'y arrive pas. Ah, pardon. Ah, oui, j'ai compris, c'était j'appuie pas sur le bon... Alors... ce qui va nous permettre maintenant de continuer à vous exposer ces ruses finalement qu'on utilise pour passer d'un type d'alimentation à un autre, parce qu'on peut pas appeler ça des ruses symboliques, hein, je crois que c'est vraiment le terme. On peut regarder les noms des restaurants. Et ça, c'est quelque chose d'assez évocateur. Quand on regarde ces noms, on a quoi ? Stupa Café, Luna Blanca, Loving Hut, Ananda Café, Govinda Café. Stupa Café, Stupa, vous savez ce que c'est, hein ? C'est, alors ici je vous ai mis une photo d'un monastère de Gandan à Ulan Bator, voilà, donc c'est le Stupa, ça fait explicitement référence à la structure architecturale bouddhiste, hein, qui représente Bouddha et qui représente le monument commémorant sa mort. Alors, Stupa Café, voilà ce qu'on trouve sur leur site. Hein. Un petit restaurant, un petit café végétarien qui est placé dans un centre, le centre du FPMT, qui est un centre bouddhiste, hein, qui se trouve donc à Ulan Bator, c'est placé dans le centre bouddhiste. Qui est aussi connu comme, etc. Je laisse lire le sujet. Donc, le FM, il sert des boissons chaudes, froides, des cakes, de la... Special events and evenings. Donc, il y a aussi autre chose que de la nourriture. Hein. On peut aussi faire autre chose. Et il précise que, enfin, j'ai juste traduit la fin, une partie des bénéfices du café est destinée à participer à la renaissance du bouddhisme en Mongolie. Ça, c'est marqué explicitement sur le site internet. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, Loving Hut. Alors ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne très importante, c'est une chaîne internationale qui est la propriété d'un grand maître, d'un gourou, qu'on appelle Supreme Master Chinghai. Et Supreme Master Chinghai, là voilà, cette dame, elle est là. Master Chinghai, c'est une Vietnamienne qui est née dans les années 1950. Et qui a construit un véritable empire. Elle a des restaurants dans le monde entier, mais pas seulement des restaurants. Il y a tout un business, il y a des produits aussi qui sont fabriqués, des entreprises, etc. Donc, Loving Hut, 7 restaurants à Ulan Bator, elle en a 7. Et sur son site, elle a un site magnifique, Be Vegan. L'amour, la paix, etc. C'est vraiment un message de paix et d'amour. Et l'un des nombreux sites alors, de cette Loving Hut est consacré à la Mongolie. Alors, il explique qu'effectivement, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important, les produits mongols, ce sont les meilleurs produits, etc., etc. Son site son site est traduit en 20 langues. C'est quand même une chaîne internationale, je dis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la publicité pour la nourriture mongole, parce que sur le site spécialisé Mongolie, c'est la publicité pour l'alimentation mongole, il y a aussi un film sur des catastrophes écologiques actuelles. On a des témoignages de grands scientifiques occidentaux. On a un discours de Barack Obama, on a des scientifiques mongols qui expliquent comment la nourriture végétarienne est essentielle pour la préservation du monde. Ensuite, on a Ananda Café. Alors, Ananda, ça vient d'un mot sanskrit qui signifie la béatitude. Là encore, on a le choix d'un nom qui n'est pas innocent, avec... des masterclass de cuisine végétarienne, et une partie des bénéfices du café est utilisée pour aider un orphelinat, le Lotus Children Center, et puis des cours de yoga sont proposés aussi aux clients. Alors, c'était juste quelques exemples, et maintenant on va s'arrêter à un autre exemple qui est le dernier. Ah non, j'avais encore Govinda Café, oui, non, c'était pas le dernier. Il y a Govinda Café, là encore, on a vegan friendly, western, italian, salad bar, vous voyez, on a de la cuisine occidentale, de la cuisine indienne, de la cuisine italienne, un bar à salade, enfin bon, c'est avoir une espèce de melting pot, là, de notre chose. On se relaxe, il y a aussi un VIP. Salle VIP, un tranquille espace pour évidemment se ressourcer, mais ça se termine quand même par cash only. Et ça m'amuse beaucoup parce qu'on accepte que l'argent liquide. Donc, il y a quand même, c'est assez amusant. Bref, donc ça c'était pour les quelques premiers cafés dont je voulais vous parler. Et le dernier, on va s'y arrêter un petit peu, on va s'y arrêter davantage. Il s'agit de Luna Blanca. Luna Blanca, je vous ai mis une photo là de ce restaurant qui se trouve dans le centre de la capitale et qui ne fait pas référence, lui, par contre, à un univers bouddhiste. Alors, on a vu avec les autres, on était plus dans le bouddhisme, la méditation, etc. Luna Blanca, non. Luna Blanca fait référence à autre chose. On va voir différentes clés pour comprendre ce que le message que véhicule finalement ce type de restaurant. Première clé de lecture, on va en voir cinq, le nom du restaurant, l'histoire de vie des propriétaires, la philosophie, les recettes et l'articulation locale globale pour terminer avec un lien avec le monde. Alors la première clé, le nom, Luna Blanca, renvoie... Je vous le disais, non pas un concept bouddhique, mais là, a vraiment une tradition mongole. Luna Blanca, c'est le terme latin pour dire la lune blanche. Et en mongol, la fête la plus importante de l'année, c'est Tsagansar. Tsagansar, Tsagan, ça veut dire blanc, on l'a déjà vu tout à l'heure avec les aliments blancs, ou la nourriture végétarienne qui était les plats blancs. Tsagansar, c'est le mois blanc ou la lune blanche, c'est le nouvel an, c'est tout. C'est le nouvel an qu'on appelle comme ça. Et dans le calendrier des éleveurs, donc dans le calendrier traditionnel des Mongols, c'est une date qui est essentielle, c'est la plus grande fête de l'année, c'est une date qui marque la coupure entre la saison hivernale et la saison estivale. Lune blanche, le mois blanc. Mois blancs, parce qu'on va s'acheminer vers les mois blancs, qui sont des mois où on va avoir beaucoup de produits laitiers, où les animaux vont donner beaucoup de lait, et donc du coup, on va être dans la prospérité, évidemment. La célébration de cette fête de Tsagansar met en scène donc le premier mois de l'année, la lune, parce qu'on est en présence d'un calendrier solilunaire. Et elle met aussi en scène le blanc, qui est cette couleur hautement valorisée, associée à la fécondité des troupeaux, à la promesse d'abondance des produits laitiers, et par extension, évidemment, à la prospérité et au renouvellement du monde. C'est-à-dire que tout ça, ça va ensemble. D'où l'adage, ce qui est blanc est bon, ou l'abondance de lait donne une saison heureuse. C'est-à-dire que vraiment, il y a un lien qui est entre les deux. La vie des éleveurs est, vous le savez, étroitement tributaire, évidemment, de la préservation et de l'augmentation des troupeaux. Et donc, l'essentiel des ressources se concentre sur ces produits laitiers. Alors, ce rituel est intéressant parce qu'il se passe en deux phases. Il y a la phase du réveillon, comme chez nous, et puis le lendemain, il y a le nouvel an qui démarre, la nouvelle année qui démarre. La phase de réveillon, donc la veille du nouvel an, en mongol, on dit « bituni ere », ça veut dire « le soir de fermeture ». La veille du nouvel an, on ferme tout. C'est-à-dire qu'on jette la vieille année. On met la vieille année de côté, il faut repartir sur de bonnes bases. Donc c'est un soir de fermeture, on clôt la vieille année. Et ce soir-là, on se réunit entre soi et on va faire attention à ce que les vêtements soient bien fermés, hein, qu'il n'y ait pas un bouton qui ne soit pas fermé. Il faut que le chapeau soit bien sur la tête, il ferme l'espace du corps, hein, le territoire du corps. Et on va manger des aliments fermés, c'est-à-dire des aliments qui sont clos dans de la pâte, hein, enfermés dans de la pâte. Le lendemain, c'est le début du nouvel an qui va durer 3 jours, et pendant ces 3 jours, on va avoir toute une série de festivités sur lesquelles je passe, mais on va offrir à tous ceux qui vont venir vous rendre visite des aliments blancs. On est passé de la fermeture de l'année à l'ouverture, et pour que l'année se passe le mieux possible, l'année qui démarre, il faut faire attention à, en particulier, manger essentiellement des nourritures blanches, gage de prospérité et de produits blancs à venir. Bon. On va pas... Voilà, donc je vous ai juste mis une petite diapo là pour vous rappeler les choses. Blanc, sommet de la hiérarchie des valeurs, promesse de fertilité, consommation rituelle d'aliments blancs. Et je vous ai mis une photo du buffet du Nouvel An, en fait, c'est ça. Vous avez dans la bassine un mouton qui a été bouilli et rompu au niveau des articulations parce qu'on ne coupe pas la viande. Et reconstitué dans la bassine, et il est recouvert par cet énorme, vous voyez, ce qu'il y a là, c'est une queue de mouton, parce que c'est un type spécial de mouton qu'on trouve en Mongolie, ce qu'on appelle des moutons à queue grasse, et voilà le gras de la queue du mouton, qui est un emblème de la nourriture blanche. Le gras, le blanc. Le gras, c'est la prospérité, comme le blanc. Hein. Au-dessus de ce gras de mouton, on a mis ici 3 petits pâtés qui, en fait, la veille, ont été utilisés comme étant des nourritures fermées, mais qui, le lendemain, apparaissent non plus comme des... Là, c'est-à-dire qu'on parle de russe, c'est-à-dire que la veille, on a mangé que ce genre de choses, parce qu'on disait c'est de la viande enfermée dans la pâte, donc c'est de la nourriture fermée. Le lendemain, ça devient des aliments prestigieux, puisque ce sont des aliments blancs. On met en valeur la couleur de la pâte. Et puis ici, on a des gâteaux qui sont faits à base de farine et de graisse de mouton, qui sont frits dans la graisse de mouton, et du fromage séché, et tout en haut, du beurre, qui est évidemment le symbole. Donc là, on a le buffet du Nouvel An, où on va glorifier les aliments blancs. Alors, deuxième clé de lecture, c'était l'histoire de vie des propriétaires. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Alga, qui est la propriétaire, une des responsables de Luna Blanca, du restaurant Luna Blanca. C'est intéressant de voir comment elle a avancé dans son cheminement intellectuel. Elle est née et elle a vécu à Ulaanbaatar, puis elle s'est rendue en Inde pour faire des études et obtenir là-bas, à Delhi, un diplôme en management des ressources humaines. Lorsqu'elle était à Delhi, elle a fait la connaissance de 2 autres jeunes filles originaires de Mongolie qui étaient venues comme elle étudier. Une préparait un diplôme en langue russe et anglaise, et la seconde était titulaire d'un doctorat de sociologie. Donc voilà nos 3 jeunes mongoles à Delhi qui se rencontrent. De retour en Mongolie, la propriétaire, Alga, va dans un premier temps travailler comme manager. C'est une première expérience professionnelle qu'elle va avoir comme project manager. Et ça ne lui plaît pas beaucoup, elle retourne en Inde. Et puis elle revient en 2005 dans son pays natal. Et là, elle va travailler comme guide dans plusieurs régions de Mongolie, ce qui va l'aider à se familiariser avec la culture et l'histoire de son pays que finalement elle ne connaissait pas tant que ça. elle décide, parce qu'elle a quand même vécu un moment en Inde, de changer son régime alimentaire, et elle devient végétarienne sur les conseils d'une de ses amies qui pratique la méditation et qui prône le bien-être interne, etc., auquel on accède si on a une alimentation végétarienne. Pendant qu'elle est guide en Mongolie, elle se rend compte qu'il y a, elle rencontre des gens qui sont aussi, qui ont des tendances végétariennes, et puis elle rencontre des touristes qui viennent visiter la Mongolie qui sont végétariens. Et elle se dit, c'est incroyable, il n'y a aucun endroit où ces gens-là peuvent aller manger. Donc, germe l'idée de monter un restaurant végétarien à Ulaanbaatar, et elle décide avec les deux copines qu'elle a rencontrées, qu'elle appelle ses sœurs, hein, c'est pas rien de dire mes sœurs, hein, on voit bien qu'on est là dans un, déjà dans quelque chose de... Bon, de créer un restaurant végétarien. Bon, c'est un peu compliqué. Finalement, leur projet va se concrétiser en 2008. Et depuis 2009, elles ont carrément changé même leur mode d'alimentation, puisqu'elles sont passées du végétarisme au végétalisme. C'est-à-dire qu'elles ont décidé même d'exclure tout le reste des produits animaux. Elles ont créé un réseau de partenaires avec des coopératives mongoles spécialisées dans la production d'aliments végétaliens. Leur entreprise prône le tourisme végétalien et elles ont même mis en place elles ont développé une gamme de produits végétaliens, qu'elles vendent dans les magasins. Voilà, donc ça c'est l'intitulé de leur Luna Blanca, de leur restaurant, 100% vegan, non-smoking, non-alcoolique, bon. Leur site, leur site internet, sur un des onglets, elles disent qu'elles servent des menus qui viennent d'Asie, d'Occident, de Mongolie, que tout est fait à la main, hein, même la mayonnaise végane, même la viande végane, qu'elles ne cherchent pas à faire beaucoup d'argent, que ce n'est pas ça leur objectif. Elles, ce qu'elles veulent, c'est donner de bons salaires à leurs salariés, et elles veulent être engagées dans la communauté, avec des actions philanthropes, etc. Et elles expliquent sur leur site que le mot pour la nourriture végétarienne, c'est white food, c'est la nourriture blanche. Donc elles mettent aussi l'accent sur ce parallèle. Enfin, elles ne sont pas particulièrement liées au bouddhisme, puisque regardez sur leur website, j'ai repris les choses. Elles disent, si vous êtes un chrétien et que vous voulez en savoir plus sur la compassion, voilà, jesusveg.com. Si vous êtes musulman, et pareil, islamiqueconcern.com. Si vous êtes bouddhiste, etc. Donc, elles ont donné les sites sur lesquels on peut aller voir, quelle que soit sa religion, l'importance et l'idée de la compassion, de la philanthropie, etc. Au niveau des recettes, elles font exactement les mêmes recettes que les recettes traditionnelles en Mongolie, les bouddhs, les banks, les rouchours, enfin ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Et elles ont une boutique en ligne aussi qu'on peut aller visiter, avec des produits, alors ça c'est mes photos, sont pas très très bonnes, mais on voit là la viande, pure vegetable, vegetarian mini steak, hein. Donc elles mettent bien l'accent sur la viande là. Là elles mettent les boots, c'est-à-dire les petites pâtés qu'on a vues tout à l'heure, et vous voyez que ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement les légumes, enfin à mon avis, n'apparaissent que comme une décoration. Le plat principal qui est mis en avant, c'est quand même la viande là, c'est pas qui n'est pas de la viande, hein, qui est du soja. Mais les légumes apparaissent, et là c'est pareil, un autre, on voit la viande, le légume apparaît plus comme une décoration. Donc on reste bien encore dans le côté nourriture mongole traditionnelle. Le végétarien, le végétarisme est accessoire. Alors elles ont aussi d'autres préparations qui puisent dans un répertoire étranger, c'est intéressant. Alors elles vendent des côtelettes rouskaya, Hungarian goulash, la goulash hongroise, un suprême shish kebab, des spaghettis santal chia, du rainbow miso, donc japonais, vous voyez, donc c'est vraiment très éclectique. Et on voit que la forte présence de référence à la viande se maintient. Et alors la cinquième clé de lecture, la dernière, c'est une ouverture sur le monde. Et ça, c'est elles ont sur leur site une entrée qui est intitulée « Pourquoi être végétarien ?» Et elles proposent une image que j'ai reproduite ici. Alors, je ne sais pas si... Ah non, c'est pas celle-ci. C'est celle d'avant. Pardon. C'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci, vous la voyez ? Voilà, elles ont mis une image, alors je ne sais pas si on la voit bien, mais où elles ont expliqué d'abord quels sont les grands végétariens dans le monde. Donc il y a Einstein, il y a Richard Gere, il y a le Dalai Lama, il y a, je ne sais plus, enfin il y a Darwin. Donc elles ont repris des photos des grands végétariens dans le monde. Et elles expliquent qu'en effet, il y en a des millions qui vivent à travers le monde. Et ensuite, elles ont un petit passage sur lequel elles expliquent que, dans le fond, ce n'est pas tellement contre la culture mongole. Que la culture mongole, elle a prévu de pouvoir... Alors, elles remontent à Gengis Khan et elles expliquent que, je ne sais pas si on le voit ici... que voilà, ça a toujours finalement, on a toujours été végétarien chez les Mongols. En tous les cas, que l'histoire alimentaire des Mongols ne donne pas à la viande un caractère dominant. Donc c'est une façon de réaménager l'histoire. Et puis ensuite, leur dernière petite information que j'ai prise, c'était qu'elles ajoutent quelque chose qui montre que, dans le fond, la consommation de viande, il faut la mettre en rapport dans le monde avec les maladies et les décès. Et là, on voit que si on a 108 kilos par personne de viande par an chez les Mongols, ben vous voyez, vous suivez la liste sur le tableau, hein. Voilà, elles ont mis Mongolie, Cuba, Singapour. On voit bien que c'est là où on mange le plus de viande, qu'on a le plus de cancer, qu'on a le plus d'obésité, qu'on a la plus faible espérance de vie, etc., etc. Donc, c'est tout à fait clairement expliqué en mettant trois cas l'un à côté de l'autre. Alors... Les enquêtes sur le terrain auprès des restaurateurs complètent ces données et elles montrent que les motivations d'ouverture des restaurants sont diverses, qu'elles sont liées à des opportunités économiques, qu'elles sont liées parfois à un engagement militant, souvent un engagement militant ou à des convictions religieuses. On voit que les sources d'inspiration culinaire empruntent à tous les registres, Occident, Asie, Mongolie. Par ailleurs, on voit que tous les restaurants proposent des activités connexes, cercle de lecture, bibliothèque, méditation, participation à des forums, ce qui signifie bien que ce type de restauration n'est pas lié uniquement à l'alimentation, mais s'inscrit dans une philosophie de la vie, mais ça vous le saviez déjà, mais une philosophie de la vie, et ce principe, on le retrouve exactement, on le retrouve à l'identique quand on interroge les consommateurs. L'enquête, en effet, auprès des consommateurs apporte... les mêmes informations, plus nous donne quelques idées sur la composition sociale des gens qui fréquentent ces restaurants. La totalité des personnes qui ont été interrogées ont un niveau d'études supérieur. Hein, ce sont généralement des gens qui ont des jobs, qui ont fait des études supérieures. C'est une majorité de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Tous les âges sont représentés, mais avec quand même une très forte proportion de moins de 30 ans. Et tous les adeptes de ce type d'alimentation disent la même chose. Ils ont fait ce choix d'alimentation par souci de leur santé physique et mentale. Alors, j'ai peut-être plus beaucoup de temps, je vais peut-être aller à la conclusion, là, dites-moi. Hein ? Oui. Oui, je vais à la conclusion. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? Manger vegan, c'est se purifier le corps. C'est ce qui apparaît partout. Manger vegan, c'est se purifier le corps tout en s'ouvrant l'esprit. C'est l'idée de nous sommes ce que nous mangeons, mais encore plus élaborée, hein, puisqu'on est en s'ouvrant l'esprit. C'est une idéologie qui postule une relation entre équilibre individuel et équilibre du monde. Si je vais bien, le monde ira bien. C'est vraiment ça l'idée. Si je vais bien, le monde ira bien. Si je me nourris selon les préceptes du végétarisme, j'agis en même temps sur la protection de l'environnement, sur la fraternité, sur la paix, l'amour, etc. Les entretiens, au même titre que les autres sources d'informations que j'ai eues, soulignent toujours le lien entre l'enjeu social et l'enjeu alimentaire. Il y a vraiment un lien toujours marqué entre enjeu social et enjeu alimentaire. C'est de la maîtrise du corps que dépend la fin des menaces qui pèsent sur le monde. Ça, c'est un discours qu'on entend tout le temps. Et la couleur blanche joue là un rôle tout à fait important, puisque traditionnellement, je vous l'ai dit, elle était liée à la saison estivale, elle était liée elle s'opposait à la saison hivernale qui est noire, et que pour un Mongol, être blanc, c'est être en bonne santé. C'est pour ça qu'au moment du printemps, dans le milieu d'éleveurs, on a l'habitude de consommer beaucoup, beaucoup de produits laitiers au moment du printemps, parce qu'on pense que ça va laver le foie, et que du coup, ça permettra d'être en meilleure santé. Donc il y a une équivalence, pas seulement entre le blanc et la prospérité, pas seulement entre le blanc et la fécondité, mais aussi entre le blanc et la santé. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les esprits. Du coup, évidemment, l'équivalence entre aliments blancs et plats blancs pour le régime végétarien, ça marche, ça ne peut que marcher. On voit bien là, c'est ce que je voulais vous montrer dans le fond, c'est que le patrimoine ne disparaît pas. Il mute comme ça a toujours été le cas. Les éléments se recomposent, hein, un peu ce que disait Nicolas tout à l'heure. Les éléments se recomposent selon les contextes, un peu à la figure du kaléidoscope, hein, c'est-à-dire qu'on a les mêmes, pratiquement les mêmes éléments, mais qui bougent autrement. Et à la manière donc de cette figure du kaléidoscope, dans lequel se reconfigure le sentiment d'appartenir à une culture particulière, hein, et en même temps l'image d'un nous planétaire. Hein, c'est ce que je vous ai mis dans le dernier point. Le cas des vegan restaurants, je pense, nous invite vraiment à penser cette articulation des valeurs localisées aux valeurs globalisées. Et dans ce sens, nous permet de saisir les processus de mise en forme des discours ou des discours idéologiques. Ce discours appelle à la responsabilité des hommes face à un patrimoine mondial. Du coup, on n'est plus dans le local. Hein, on est responsable du monde entier. On est responsable du patrimoine mondial, du patrimoine énergétique, du patrimoine naturel, du patrimoine humain. Mais cette responsabilité des hommes face à un patrimoine mondial se conjugue en même temps avec les représentations d'un patrimoine localisé. Et là, on le voit, je trouve qu'on le voit assez bien dans la manière dont ça a été mis en jeu. Les grands enjeux mondiaux se trouvent alors déclinés selon des images qui font sens dans la culture. Les gens comprennent, puisque ça fait référence à des choses qui les habitent, je dirais, depuis toujours, dans cette culture particulière. L'individu reste lié à sa culture, il en subit d'une certaine manière l'empreinte, le jeu reste indissolublement lié au nous, et dans le fond, seules les échelles des définitions identitaires changent. Voilà. Ah, je voulais vous montrer quand même quelque chose juste à la fin, mais ça c'est un petit clin d'œil. Vous savez que les anthropologues, on dit toujours qu'on s'intéresse aux sociétés exotiques, traditionnelles, que ce qui nous intéresse c'est juste la culture, mais un peu figée, les vieilles choses, d'une certaine, un peu comme les folkloristes d'autrefois. Et alors j'ai une collègue qui m'a envoyé cette diapo que je trouvais très marrante. Vous voyez ? Où on voit là les indigènes qui voient les ethnologues débarquer et qui planquent leur télé, qui planquent tout ce qu'ils ont de contemporain pour rester sur le terrain. Dans la tradition. Mais bon, j'espère qu'avec le cas végétarien, je vous ai montré qu'on était bien aussi dans l'articulation entre la modernité et la tradition. Merci à tous les deux. Maintenant on va discuter un petit peu, poser des questions. Vous pouvez faire des remarques, vous poser des questions, n'hésitez pas. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? très difficile la première question. Alors vu qu'on prépare les choses, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que la question justement du patrimoine, alors le patrimoine ça renvoie à des pratiques qui peuvent être plus ou moins spontanées ou avec lesquelles on peut prendre plus ou moins de distance, qu'on peut intellectualiser, etc. Est-ce que justement il y a aussi dans les changements des habitudes alimentaires un positionnement par rapport au patrimoine, mais comme ce qu'il représente, c'est-à-dire de conservatisme, de société traditionnelle, etc. Et que, par exemple, je ne sais pas, que ce soit en Mongolie, que ce soit... Alors, en Indre-et-Loire, je ne sais pas si l'enjeu se pose de cette façon-là, mais peut-être dans des pays où, justement, il y a des enjeux autour de l'urbanisation, de la modernisation. Est-ce que, par exemple, le fait de s'alimenter végétarien, le fait d'alléger un petit peu ses repas, le fait de s'habituer à la sédentarité, etc. Est-ce que c'est pas aussi une prise de position par rapport à la société passée, à celle de ses parents, etc., une forme de rupture avec la tradition? Oui. C'est difficile de répondre parce que je crois qu'il n'y a pas une réponse comme ça, unique à ça. Mais je ne le vois pas comme une rupture du tout. Oui, je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais par exemple, les gens, même qui sont végétariens, même végétaliens, ceux qui ne mangent plus rien d'être produit animal, quand il y a le nouvel an mongol, vous avez vu les plats qui sont sur le buffet, eh ben, ils mangent ça. Donc, parce que pour eux, c'est difficile de se déconnecter complètement de ces racines. C'est-à-dire qu'il y a quand même une représentation du patrimoine. Il faut quand même se rendre compte que c'est un pays qui est, bien sûr, qui est grand, mais qui est quand même tellement perdu entre deux puissants voisins, que la Russie et la Chine, qu'il y a toujours cette volonté, et qui reste même chez les jeunes générations, qui reste ancré, il faut qu'on montre au monde qu'on existe. Et on a peur de devenir chinois, ou peur d'être avalé par les Russes, ou par les Chinois. Donc, pour être mongol, il faut s'appuyer sur quelque chose. Et c'est vrai que le recours au patrimoine, là, il reste présent, parce que c'est presque un réflexe de survie, quoi. Ouais. Non. Moi, je voulais savoir la clientèle de ces restaurants, si vous avez dit, ça s'adresse aux touristes, parce qu'en voyageant, j'ai vu ça dans d'autres pays d'Amérique latine notamment, où on retrouve des restaurants végétariens et qui sont pour les gens effectivement un petit peu les universitaires et les touristes. Mais qu'en est-il des Mongoliens, des gens de Mongolie, est-ce qu'ils adhèrent à ce type de pratique ou bien est-ce qu'ils mangent une alimentation aussi internationale qui est moins chère? Enfin, je veux dire, dans les milieux populaires, qu'est-ce qu'on mange? Ce que je voulais vous dire, je pense que je l'ai dit, mais ce sont des restaurants, contrairement aux autres restaurants, qui sont fréquentés uniquement par des Mongols. On ne voit jamais de touristes dans les restaurants végétariens. Enfin, moi, je n'en ai pas vu, en tous les cas. Il y en a certainement de temps en temps qui débarquent. Mais je veux dire, c'est surtout des Mongols qui sont des clients. Ce sont, je vous l'ai dit, des gens qui sont plutôt des catégories supérieures, hein, qui ont des jobs. Pour aller au restaurant, il faut déjà avoir un peu de moyens. Maintenant, sinon, le régime, on va dire, quotidien, commun, partagé par les gens à la campagne, enfin à la ville, c'est un peu différent parce qu'on a d'autres produits accessibles, mais ça reste quand même tous ces plats dont je vous ai parlé. Les rouchours, les bouts, ces raviolis. Alors, on va les agrémenter en ville, on va avoir des cornichons qu'on ne trouve pas à la campagne, on va mettre un petit peu de salade, on va mettre des bonbons, on va mettre des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais on va du riz, hein, des sauces qu'on ne trouve pas non plus à la campagne. Mais n'empêche que c'est pour ça que quand le journaliste que je citais tout à l'heure disait ce sont des plats nationaux, ils restent des plats nationaux. Et c'est de la pâte avec de la viande à l'intérieur, c'est ce que mangent tous les gens. Il n'y a pas une consommation très importante de légumes. Parce que traditionnellement, ce sont des nomades, ils ne mangent pas de légumes. Hein. Ce n'est pas leur... C'est pas leur Ah ben oui, voilà, oui, tu as raison de me le dire. Donc, il y a un jeune couple de Mongols qui s'est installé à Tours et qui a ouvert une boutique qui s'appelle les Steppes de Mongolie à côté des Halles. Ils ont mis un bel article d'ailleurs dans le journal lundi. Eh bien, si vous allez faire un tour dans le magasin, vous verrez, bon, ils vendent des produits chinois, beaucoup, des produits asiatiques, assez mélangés. Mais elle fait la cuisine et elle propose les produits dont je vous ai parlé là aujourd'hui. Voilà. Et si elle vous invite à manger chez elle, c'est ce qu'elle fera. Et c'est probablement ce qu'elle fait la plupart du temps pour son repas. Donc, qu'on soit à l'étranger ou qu'on soit chez soi, c'est ça qu'on cuisine. Avant tout. Avant tout. J'ai pas répondu. J'ai répondu à votre question ? Ah non, ça va. J'ai toujours peur de parler pour moi. Je parle en anglais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié sur le web. On voit pas, par exemple, si vous allez dans les autres restaurants de la capitale, vous allez rencontrer des touristes, vous allez rencontrer des expatriés qui vivent là et qui viennent manger, vous allez rencontrer aussi des Mongols. Mais qui privilégient. Pour eux, je pense que c'est un peu comme pour nous autrefois, c'est-à-dire qu'il fallait manger de la viande. Hein. C'est le reconstituant, c'est la viande, ou éventuellement les produits laitiers qui sont issus de l'animal. Vous voyez, il y a cette relation à l'animal qui est où on mange la viande, où on mange des produits laitiers. Mais manger un gratin de courgettes, c'est impossible, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que dans les restaurants végétariens, le légume apparaît vraiment juste comme une décoration. Alors que chez nous, il sera plutôt mis en valeur. Pardon. Une question pour vous, je prends le micro, même sur la côté. Mais les légumes impopulaires, ce qu'on a vu dans le PowerPoint, est-ce que c'est vraiment uniquement à cause du nomadisme ou il y a d'autres éléments qui expliquent que c'est impopulaire ? Oui, il y a un autre élément. Mais ça va certainement ensemble. C'est vrai que traditionnellement, comme ils ne sont pas agriculteurs, ils n'ont pas de légumes. Mais il faut voir aussi que la classification symbolique du monde est faite sous la forme de couleurs et que les couleurs, le vert ou le bleu, d'ailleurs, parce que les aliments, dans la représentation traditionnelle. Les légumes sont du côté du bleu. On dit les légumes bleus, on ne dit pas les légumes verts. Là, on a vu qu'on parle des les aliments blancs. Mais en réalité, il y a une espèce de switch, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui s'est opéré. J'ai peur d'aller un peu loin. Donc, le monde est divisé en 5 couleurs. Et le blanc, le noir, le rouge, le vert, le bleu plus exactement, et le jaune. On a vu les aliments blancs, les aliments jaunes, c'est la même chose à peu près. Le bleu est du côté, dans cette classification du monde, le bleu est du côté des légumes, mais il est aussi du côté de la partie est de la maison, qui est la partie féminine, qui est la partie de la fécondité. Et donc, du coup, je pense que l'association bleu et blanc, elle est liée à ce rapport à la fécondité. Hein? Donc ça renvoie à autre chose encore, mais bon, il faudrait. Pas faire un cours sur les couleurs. Alors, j'étais pas là au début, j'espère pas avoir compris sur ce sujet dont j'ai déjà parlé, mais finalement, quand on classe quelque chose comme patrimoine, ce serait pas un aveu de faiblesse, un aveu d'impuissance, on n'arrive pas à régler ce problème par ces moyens, du coup, on classe patrimoine en espérant que ça aille mieux. Grande question. Je pense qu'il y a aussi une grande part de symbolique. Je veux dire, Francis Chevrier, sa démarche du repas gastronomique des Français, c'est vraiment essayer de faire reconnaître ça comme une culture. Il trouvait que ça manquait un peu et que le musée de la culture était plutôt le musée des beaux-arts. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. il avait le sentiment que cette pratique sociale avait le, pouvait être mieux valorisée. Quoi. Mais effectivement, ça montre bien qu'il y a peut-être une prise en compte qui n'est pas assez forte au départ. Ça peut être un ado de faiblesse, je pense. Ouais. Après, je crois que vous l'avez, Nicolas l'a bien montré, c'est-à-dire qu'on voit bien que les enjeux sont très différents selon le point de vue auquel on se place, c'est-à-dire, où on se place, c'est-à-dire qu'il y avait une... si c'est les politiques, le politique va y voir quelque chose, les gens vont y voir autre chose, c'est difficile d'avoir une réponse... unique hein, sur ce point-là, c'est difficile. Ouais, moi j'aurais une petite question sur la question de finalement qu'est-ce qu'on peut, jusqu'où on patrimonialise, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand vous allez manger chinois. À Paris, vous ne mangez pas chinois, vous mangez ce que les migrants chinois d'une région particulière, qui sont dans Wenzhou, dans la Belleville, etc., font et qu'ils adaptent à la culture française. Et du coup, c'est plus tout à fait ce que les Chinois de Wenzhou à Wenzhou font. Quand vous allez déguster, je prends l'exemple sciemment, un goulash à Prague, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut trouver à Budapest. Voilà, ça c'est un autre exemple. On peut en prendre plein d'autres. Et est-ce que, d'une certaine façon, il n'y a pas un enjeu aussi de patrimonialiser, d'intégrer dans ce repas des Français, dans les pratiques gastronomiques, d'une certaine façon, ce que nous on en a fait, et on pourrait aussi intégrer, et ça c'est peut-être provocation, mais ce que McDonald's a produit en France, c'est-à-dire avec des fast-food qui ressemblent de plus en plus à des restaurants où il y a du service à table qui est expérimenté et où on se rend compte par rapport aux autres pays européens ou dans le monde que globalement les Français y passent du temps et qu'on n'est plus du tout sur des formats fast-food à l'américaine. Pour justement McDonald's, c'est indiqué dans notre documentaire qui est en avant-première hier, il précise bien que c'est le premier restaurant de France, hein, c'est-à-dire qu'il sert 1 million de repas par jour. Donc on est dans... et le McDo a été pris en compte finalement, et le sociologue Jean-Pierre Corbeau l'a rappelé, effectivement on a tendance à franciser le fast-food. Donc le fait qu'il soit dans le documentaire, c'est presque le prendre en compte. Le documentaire est quand même une conséquence du repas gastronomique des Français, et Francis Chevrier est beaucoup interrogé dedans, donc on voit bien que c'est un peu promotionnel aussi, une manière de rappeler ce qu'est le repas gastronomique des Français, et McDo n'est pas exclu. De même pour, j'en profite pour dire, même l'industrie, on voit à un moment donné des personnes qui cuisinent. Le repas gastronomique dans les termes est censé être bien manger, bien boire, etc. Ils cuisinent avec des boîtes bonduelles de fruits, enfin de légumes. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre en compte un peu tout, tout en encourageant bien manger. Après, pour l'intégration des autres, pour l'intégration des autres cultures, j'aurais pas trop dit. Mais c'est vrai que cette notion de patrimoine, on a tendance à vouloir, on a l'impression qu'on va figer les choses. Quand on les patrimonialise, ça veut dire qu'on, ça y est, on a donné les contours, et puis bon, bah ça y est, c'est comme ça que ça doit être. Pourtant, je suis pas sûre que ça soit comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que ça bouge tout le temps, il y a des nouvelles choses qui sont intégrées. Et c'est pour ça que de dire on va patrimonialiser le repas gastronomique des Français, ben du coup, ça reste ouvert complètement. Là, on est vraiment dans un patrimoine qui peut être tout à fait, qui peut être évolutif, quoi, qui sera jamais figé, en fait. En fait, je prolongeais ma question en prolongeant l'exemple des restaurants chinois. Mm-hmm. Donc, je vais rester sur des expériences personnelles. Donc à Paris, on mange chinois d'une certaine façon. En l'occurrence, je connais bien Budapest, je sais qu'on mange chinois vraiment d'une autre façon. Et puis là-bas, pour le coup, ils poussent les choses à l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a la partie pour les Hongrois, où on adapte vraiment la cuisine chinoise à la façon hongroise. Et puis à l'étage, inaccessible, il y a les Chinois de Budapest qui vont manger différemment. Je voulais savoir, en fait, la question c'est, est-ce qu'il y a une façon de manger chinois spécifique à Oulan-Bator, est-ce qu'il y a une façon de manger indien, est-ce qu'on pourrait justement essayer de saisir qu'est-ce qui fait que l'on mange chinois ou indien dans un style mongol? Il y a plein de travaux d'anthropologues sur les cuisines étrangères dans le monde. Et où ils montrent comment on a des travaux depuis très très longtemps sur la manière dont les choses, dont on a adapté les cuisines partout. C'est vrai qu'on ne va pas manger italien de la même manière là ou là. Alors, on me demandait comment les Chinois mangent mongol. Non, comment les Mongols s'approprient la nourriture étrangère. Ah, mais sans aucune difficulté. C'est-à-dire que je pense que ça, à partir du moment où on va aimer un produit, on va le manger. Alors, ils ne vont pas s'approprier justement le repas gastronomique des Français dans le sens où ils ne vont pas faire les 3 ou 4 repas. Ça ne va pas être 3 ou 4 plats successifs. On ne va pas passer 3 heures à table en discutant sans arrêt. Je regarde Maria qui est là, qui est brésilienne. Et on a souvent des échanges sur ces questions. Parce qu'elle dit c'est fou les Français, ce que vous parlez sans arrêt, ils vont manger. Et donc les Mongols, ils mangent beaucoup aussi, comme nous, certainement. Peut-être plus parce qu'il fait très froid et qu'il faut avoir de l'énergie, mais ils mangent tout en même temps, c'est-à-dire que tout va être, alors on peut mettre des frites, on peut mettre un poulet, on peut mettre n'importe quoi sur la table, l'essentiel c'est que tout soit ensemble et que ça soit partagé et ça c'est quand même quelque chose d'important aussi, hein. C'est que ce soit partagé parce que on part Voilà. Donc, je crois que ça leur pose pas de problème. Mais moi j'avais une question sur la région centre. Ils sont en train de patrimonialiser quelque chose alors ? Qu'est-ce qu'ils font ? Exact. Là il y a une Cité gastronomique, quelque chose comme ça. Oui, je sais pas, il y a un mouvement là de... Non, bah, sur ce enfin, je suis revenu sur moi, sur l'inventaire. Sur l'inventaire, ce mandat. Mais il n'y a pas quelque chose. Comment on explique ? Parce que moi, ça, n'étant pas d'ici, j'étais assez surprise de voir qu'il n'y a pas de plat, par exemple, dans la région centre. Il n'y a pas de plat local. Je venais d'Alsace, il y avait de la choucroute, il y avait des trucs, il y avait des kebabs, il y avait des plats emblématiques quoi, de la région. Ici, il n'y en a pas du tout. Alors, est-ce que... Il y en a eu quelques-uns, je crois, mais qui n'ont pas forcément toujours bien marché. On avait d'autres éléments pour faire valoir. Mais il n'y avait pas la volonté de fabriquer un plat tourangeau, la bechelle. Mais ça, c'est nouveau alors ? En fait, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. On essaie de l'inventer. Les vins et les terroirs viticoles de France, je pensais pas seulement de Touraine, à mon avis. C'est pas de Touraine, je crois que c'est vraiment une inscription des vins, oui, des vins français. Ouais. C'est un projet national de la même manière que dans le Paris. Après, ce qui était beaucoup mis en avant, il n'y a pas de plat mis en avant, mais dans les écrits de Kurnonski, par exemple, dans les années 20 et 30, on va surtout insister sur les sauces, par exemple, en disant, donc, indirectement, on va dire que les plats sont dedans, mais c'est, on va plus insister, on va dire, les sauces sont le triomphe de la Touraine, avec les poissons, avec la volaille, etc., la géline de Touraine, des choses comme ça. On est plus sur une valorisation du produit en lui-même, et pas du plat, mais parfois, quand même, les restaurateurs, du coup, mettent en avant les produits. Ça tourne au dialogue. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, parce qu'il y a aussi l'inscription spatiale de Tours Cité de la Gastronomie, l'autre jour, on se posait la question en discutant avec des étudiants sur, par exemple, est-ce qu'on va avoir l'invention d'une tradition qui est, je ne sais pas, la table tourangelle, le petit bistrot tourangeau façon Léale, etc., comme on peut avoir le bouchon lyonnais. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut émerger de valorisation, de patrimonialisation là in situ de cette nomination de Tours Cité de la Gastronomie ? Évidemment, je ne vous dirai pas encore quel est le contenu de la Cité de la Gastronomie, parce que je pense que pas grand monde est au courant. Peut-être même que ceux qui s'en occupent ne savent pas trop encore comment ça va s'articuler. Je sais que moi j'ai même contact avec l'UHCA, ils ne sont pas encore trop au courant non plus de comment ça va se passer. A priori, ce serait quand même plus un réseau de chercheurs aussi. Après, est-ce qu'ils vont faire comme le bouchon lyonnais ou... Non, est-ce que ça produit en fait des restaurateurs, une stratégie de se distinguer, etc. Je sais, honnêtement, je sais pas, c'est encore trop tôt, je pense, pour le dire. Parce que tant que le projet n'est pas vraiment. Est pas vraiment défini, et là ils sont surtout aux mains des politiques, quoi. Donc c'est compliqué pour nous de faire ça. Après, il y a des possibilités, mais avec les charcuteries, il y a des produits emblématiques qui pourraient permettre de le faire. Est-ce que ça se fera, j'en sais rien. Il n'a pas pris sa boule de cristal. Et du coup, j'ai encore... Ah, il a encore une question. J'ai encore une question, c'est concernant, est-ce que d'une certaine façon, le fait de singulariser les bouts, de mettre en valeur la mongolité de la cuisine, la francité de la cuisine française, etc., est-ce que d'une certaine façon, ça ne cache pas le véritable enjeu de la standardisation qui est celui de la circulation des produits de l'agro-industrie, le fait qu'on produit plus local, etc., d'une certaine façon, le véritable danger, c'est pas tant dans la standardisation du goût, même si elle est portée par la standardisation des produits, mais est-ce que ouais, le véritable danger, c'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire les circuits trop longs, et du coup, la question sur la Mongolie, c'est est-ce que ces fameux produits ils sont produits sur place aussi? Non, mais je crois que il n'y a pas, justement, je crois que ce qu'on a montré, c'est qu'il n'y a pas de standardisation des goûts. Il faut que, je trouve que c'est une, on a tendance toujours à dire oui, on est dans un monde globalisé, tout le monde est pareil. Non, il n'y a pas de standardisation. Justement, chacun va s'approprier selon ses propres référents historiques, culturels, de goûts gustatifs, etc., des choses. Il va choisir des éléments, il ne va pas en prendre d'autres, il va les accommoder comme il veut. C'est-à-dire qu'il y a... C'est pas du tout... Je crois qu'au contraire, il faut vraiment qu'on se batte contre cette idée-là. Et que ça voudrait dire que les sociétés, finalement, sont faites de gens qui sont un peu amorphes, quoi, qui se laissent complètement bobiner. Il y a quand même... non, il y a des... Enfin, bon, c'est bon, peut-être mon côté optimiste, hein, j'en sais rien. Mais je crois que quand on regarde les choses de façon précise, justement, et ça, l'ethnographie, elle aide à ça. Parce qu'on fait du terrain, on est avec les gens, on regarde, on passe du temps. C'est-à-dire qu'on essaye d'entrer vraiment dans la manière dont les choses se construisent. Eh bien, et en histoire, c'est pareil, mais c'est plus difficile parce que vous pouvez pas entrer dans la logique. Enfin, si, l'histoire contemporaine, oui. On voit que les enjeux ne sont pas les mêmes, et les choses. Alors, il y a des choses qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, et voilà. Donc, en Mongolie, comme en France, hein, comme partout, et ça revient exactement du coup à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne va pas adapter le chinois de la même manière, ou le hongrois de la même manière, hein, suivant qu'on est dans tel ou tel endroit. Enfin, c'est vrai, comme tu l'as souligné, que un des effets pervers, si on peut dire, du rebellion sur le français, ça a été souligné, je crois, il y a 15 jours au séminaire, c'est que ça peut quand même, de l'étranger, inciter les gens à passer commande à des industriels sur le cuisine. Ah oui, c'est sûr. C'est juste peut-être pour relancer le débat. Ça dépend, pour moi, ça dépend pour qui on produit. Si je fais mon repas, la standardisation marcherait moins. Sauf si je ne trouve pas des produits pour confectionner le mets que je vais faire. Et à ce moment-là, je peux aller chercher des ingrédients, mais ça pourrait être chez quelqu'un qui standardise. Et ça pourrait être le surgelé. C'est standardisé, il y a des marques qui ne sont pas très nombreuses. Elle fabrique un certain nombre de choses pour des gens comme moi, une famille par exemple. Ou il y en a d'autres, des fois c'est aussi les mêmes, ils produisent pour ceux qui veulent faire une production à destination de la vente. Donc le standard là fonctionne. Si s'il faut vendre des omelettes, il vaut mieux avoir une poudre d'omelette toute prête, fabriquée je ne sais où, et au moins de prix. Donc, tout dépend. La standardisation, elle peut être utile à ceux qui veulent vendre et se faire plein de prix. Mais s'il s'avère à un certain moment que ça devient une impasse, bah, on peut aller vers la spécification, vers tout ce qu'on peut trouver qui marche. On peut même dire que c'est très bon pour la santé, végétarien, végétarien et tout ça. Mais on le fait, et ceux qui veulent le faire pour vendre, ils veulent le faire quand même pour vendre un maximum, donc pour la production de masse. Bien sûr, il y a une limite, on ne peut pas produire pour des millions exactement la même chose, au bout d'un moment, on n'a pas les ressources nécessaires. Et comme on invente un certain nombre de produits liés et un certain nombre d'autres produits qui peuvent aider à aller vers ça, même si ça empoisonne tout le monde, donc ça se fait. Donc, pour moi, le point essentiel, c'est est-ce que c'est la marchandisation qui est l'objectif de la fabrication, de la production de masse. Hier, j'ai regardé un documentaire sur la production de la viande. Mais comment c'est fait, ce n'est pas le documentaire. Et on voit que c'est affreux, c'est mauvais, ça nous empoisonne, etc. N'empêche que ceux qui veulent en vendre pour en profiter ne s'arrêtent pas à ces détails-là, qu'elles soient les victimes que ça peut faire. Alors que si moi je veux, si j'ai un jardin, alors moi je n'ai pas encore, et si j'ai des légumes à moi et je veux me faire un plat que j'aime bien, avec de la choucroute ou avec de la semoule ou d'autre chose, je ne viserai pas les standardisations, je viserai surtout ce qui est bon au goût, mais comme j'ai un certain nombre d'informations, ce qui est bon pour ma santé. Et dans ce cas-là, je préférerais quand même que ce soit du local et du bio, etc. Oui, mais je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui, on peut, enfin bon, je crois que la Nicolas, il a dit des choses aussi tout à l'heure dans sa communication qui allait bien dans ce sens. C'est-à-dire que c'est pas non plus parce qu'on est dans la production de masse qu'on est forcément mauvais. Hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi aussi la bonne production. Mais il y a aussi l'idée que, ce qui est assez nouveau, je pense, par contre, et qui est lié à la mondialisation, c'est le degré d'information des gens. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus informés, où qu'on soit. Hein. Alors là, ça peut être en France, ça peut être en Mongolie, ça peut être... on voit des émissions à la télévision, on voit des reportages sur Internet, etc. Donc il y a une méfiance quand même. Hein. Il y a quelque chose qui... Et ça, je pense que c'est probablement aussi ce qui incite les gens... Aujourd'hui, là, en Mongolie, je le vois, hein, c'est... Pendant longtemps, du moment que ça venait de la Chine, du moment que c'était mauvais. Mais du moment que ça venait de la Russie, c'était bon. Or, c'était certainement pas bon du tout. Mais c'est aussi, je veux dire qu'il y a le produit, puis il y a l'imaginaire qui est autour du produit. Si c'est les Chinois qui l'ont fabriqué pour un Mongol, si c'est des Chinois qui ont fabriqué, c'est forcément mauvais. Parce qu'ils sont convaincus que les Chinois veulent les envahir, et donc ils font tout pour les empoisonner. Si c'est les Russes qui fabriquent, c'est forcément bon parce que le Russe a toujours été le grand frère. Donc, et pourtant, là, on ne parle pas de qualité, on parle vraiment d'imaginaire. Maintenant, aujourd'hui, on voit bien que même en Mongolie, il y a des gens qui sont très très sensibles justement à l'idée des circuits courts, de la production des choses naturelles, c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir des confitures qui viennent du lac Kopskol parce que là, on sait que les fruits sont bons, etc. Donc il y a une représentation de la santé et de la sécurité alimentaire, on va dire, qui s'est propagée grâce justement à ces médias. Donc les gens sont attentifs aussi à ça. Et donc je pense que les grands groupes, c'est bien, mais ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Enfin, ils ne pourront pas faire indéfiniment n'importe quoi s'ils veulent continuer à vraiment vendre. Ah, évidemment que la méfiance est tout à fait justifiée. Je veux dire, c'est bien aussi qu'il y ait ces documentaires qui dénoncent un petit peu les travers de l'agro-industrie, de certains agro-industriels. Il y a la bonne, comme j'ai dit, il y a la bonne et la mauvaise. Après, tout ce qui est justement surgelé, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. Et je veux dire, c'était tout à fait intégré hier dans le repas illustré, le repas gastronomie. On peut très bien, maintenant, avec l'évolution des comportements, etc., on peut très bien ajouter un peu de surgelé. On n'est pas obligé de tout faire nous-mêmes. Quand les convives, quand on invite des gens, maintenant, il y a beaucoup, ce qui se met beaucoup en place, c'est que chacun amène son plat, etc., ce qui ne se faisait pas vraiment avant. Maintenant, machin propose d'amener l'entrée, le truc, le dessert, etc. C'est pas incompatible. Mais après, oui, il faut se méfier, effectivement. Le mieux, c'est de pouvoir aller au marché, c'est toutes ces choses-là, c'est évident. Après, il faut le budget. Même si, effectivement, souvent, les produits de l'agro-industrie, pardon, les plus. Ceux qui font du faux terroir ou de la fausse région ne sont pas les moins chers. Donc, je pense que des fois, vous allez vous acheter 3 pommes au Halles, vous les paierez moins cher que d'acheter 1 kilo. Il y en aura moins, mais ce sera meilleur qu'un kilo en voiture. Enfin, ça, après, tout dépend. Oui, simplement une petite information. Vous avez peut-être remarqué, vous avez sur les tables, vous avez un petit guide qui vous donne toutes les adresses pour manger local et les circuits courts en Israël. Donc ça illustre, et vous aussi. Donc ça illustre un petit peu ce qu'on vient de dire sur aussi la qualité des produits. Et donc vous avez là toute une série d'adresses que vous avez laissées. Oui, c'est à la disposition de chaque. Merci. Alors, vu l'heure, sauf s'il y a des dernières questions, on propose d'arrêter. Donc, merci beaucoup encore d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci au public d'être venu. Juste quelques informations avant de laisser la parole à Catherine. Vous pouvez sur le nouveau site internet de l'Université Populaire, petit à petit mis en ligne les podcasts des Cafés Géo. Donc là, vous en avez 6, il me semble, de mémoire qui sont mis en ligne, mais vous aurez une bonne trentaine qui seront mis en ligne dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à les consulter. Donc notre site, c'est www.université-populaire-tour.fr. Vous avez l'adresse sur les dépliants. Maintenant, avant de lui laisser la parole, un grand merci encore à Catherine Reynaud pour son travail de coordination avec Catherine Géo. Et je lui laisse les remerciements collectifs d'usage. Non, surtout ne partez pas, parce qu'on a prévu. Grâce aussi à vous qui s'occupe de l'accès aux droits au centre social et de Aïcha. Ils nous ont préparé du thé et avec les étudiants, on a convenu qu'on apportait des petits gâteaux. Alors, ils sont variés. Qui sont variés, vous verrez. Pâtisserie orientale, pâtisserie bordelaise, française, etc. Du terroir, c'est marrant. Donc, on est arrivé dans notre convivialité. Avant cela, je voudrais remercier toute l'équipe, puisque c'est notre dernier café Géo. Et qu'on est de l'année, évidemment, de la saison. On n'est pas tout seul, mais presque. Bon, alors, merci à Ludovic, qui est le cofondateur des Cafés Géo en 2007. À la nouvelle équipe de cette année avec Mario qui était président de Confluence, Sylvain, Sandra et les autres qui vont prendre la relève pour l'année prochaine, et puis et leurs amis. Pour les doctorants, ils étaient. Alors, c'est si bien. On a peut-être d'autres. Benoît qui était parti. Voilà, de la DSHS, le docteur en sciences humaines et sociales. Et puis enfin, merci aussi à Christophe, qui assure notamment cette année la prouesse des cahiers géographiques qui ont pu être publiés à chaque séance. Et donc, je vais les retrouver. Il y en a 6. Ça a commencé numéro 0 et sur les paradis fiscaux. Donc, c'était le dernier de rendez-vous. Voilà. peut-être. Merci à tous. Peut-être d'autres informations rapidement sur le programme de l'Université populaire. Donc le 13 avril le prochain à 17h30, donc c'est lundi, à la Faculté des Deux Lions, vous avez le film qui s'appelle Un transport en commun, donc, qui va être présenté par Olivier Legros. Vous avez ensuite. Une comédie musicale sénégalaise. C'est ça. Donc vraiment, venez à 17h30 donc, au Deux Lions, à l'amphithéâtre E, si mes souvenirs sont bons. Et puis ensuite, le 16 juin, à 20h30, au centre de vie du Sanitas, vous avez Michel Agier, célèbre anthropologue français, qui va nous présenter une conférence intitulée « Vers un monde de camp » sur la mise en camp du monde, les dispositifs de contrôle, de sécurisation des frontières et la gestion spatiale des migrants. Voilà, encore une fois, merci à tous, remercie encore les intervenants et bonne soirée, bonne dégustation.